régulière, c'est pas tellement embêtant. Comme je voulais m'instruire, un jour je l'ai engagé. Mais il était si timide que j'ai dû l'apprivoiser. Malgré d'énormes lunettes, ce n'était qu'un étudiant. D'un côté la grosse tête et de l'autre un cœur d'enfant. Les leçons particulières quand le maître a 20 ans. Les leçons particulières, c'est pas tellement embêtant. J'en prendrai.